Ou alors, elle n'est que le vent. Une porte. Ne fermez pas les yeux. Fixez un point plutôt. Par exemple, la plus grande de ces trois montagnes-là. Celle du milieu. Ou alors, le mouvement de cet arbre. Je voudrais prendre tout. Avec mes yeux, votre petit doigt se coince dans un nœud. Vous pouvez défaire la bobine et comme elle, vous pouvez y rajouter des nœuds. I just had that dream. It was not about you. But it was your colors in it. You in black and white, in the middle of the colors. The windows, the soil, the absence of water, far, not always there, the nuts. Mine. The fireplace. Shows signs of repair work. Ghost Ranch patio looking south. I've been painting there.